And the beginning of a new concept of... C'est ce train d'enfer qui emmène la vie ventre à terre. Il faudrait pourtant bien lever les yeux au ciel. Faudrait qu'on avance. Je me croyais bien affûté contre tout ce qui nous enterre. La paix d'une maturité. No, come here. Where you going? La légende voudrait qu'on apprenne du pire. C'est que je suis un héros maintenant. Tu sais, ces rêves. Continue de tourner et ma tête de se mettre à valser. Je sens plus mes pieds, je suis dénervé. Because if I fucking call my fucking family, man, and they call their family, everybody family gonna come in right here, and you got it all over with me. I don't pretend. DM start for me. So bad, so meaningless. I know I do it mechanically. I play all alone for you. Pas le moment d'expliquer. Creusons cette passion de nos rétines pour les fissures. Pas le temps d'expliquer. Toute la honte, le sang qui monte et je prends goût à tes morsures. Là, c'est ce soir. Ce soir, c'est merengue. Merengue. Dans vos yeux, le grand désespoir. Des stars de chiffon dans un monde illusoire. Il est temps d'ouvrir le troisième œil. Conscience en fumée, preuve de futilité, honteux, je m'amende. Take me till the night is over. Make me ill and make me happy. I would like to be one other. Second side of me that gives me free. Qui fait de la programmation musicale. J'ai attendu et attendu, l'esprit acerbe, le cœur béant. Et c'est à croire que la patience récompense toujours ses patients. Rendez-vous derrière les murs. Oh, attends. Si j'ai bien compris, c'est en 2007, c'est ça, 2007. Janvier 2007, derrière les murs, c'est en janvier 2007.